Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le cinéma d'Alain René. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans son cinéma, Sabine Azéma, ou dans son univers, qui pouvait vous correspondre ? L'art. Voilà. On décolle, on quitte la vraie réalité et tout d'un coup, on arrive dans le mystère de l'art pour moi. Les grands artistes, comme était Alain, sont des personnes quand même qui nous emmènent dans des endroits qu'on n'aurait pas pu imaginer, que les autres ne peuvent pas imaginer. Sabine Azéma sur le plateau de Claire Chazal à l'émission Entrée libre en avril 2019. En plus d'être sa compagne dans la vie, Sabine Azéma fait partie de la grande famille de comédiens dont Alain René s'est entouré au fil du temps. Elle va tourner 10 films avec lui, parmi lesquels La vie est un roman, Mélo, on connaît la chanson Cœur ou encore Aimer, boire et chanter. Pour tous ces films et pour bien d'autres encore, je pense à Hiroshima mon amour ou à l'année dernière à Marianne Bad par exemple, le nom d'Alain René est étroitement et à jamais associé au cinéma français. J'ai pas choisi tellement le cinéma, enfin, je veux dire, ça n'a jamais été d'une manière consciente. J'ai choisi le milieu dans lequel je voulais vivre. J'ai pas choisi mon activité. Je veux dire que quand j'ai eu 18 ans, comme tout le monde, j'ai eu la tentation de devenir comédien. Mais bon, je n'étais pas du tout satisfait des résultats que j'obtenais. Je trouvais que je manquais de contrôle sur ce que je faisais. Et quand j'ai renoncé, en effet, quand j'ai pensé qu'il était sage de renoncer à cette profession, j'ai gardé un grand regret, c'était de quitter le milieu du spectacle, le milieu des comédiens et des comédiennes. Et quand j'ai vu que j'avais une possibilité peut-être de devenir stagiaire monteur, ben j'ai sauté dessus en me disant, bon, en faisant du montage quand même, je resterai dans ce milieu du spectacle, et c'est là où je me sens le plus heureux et le plus à l'aise. Je n'ai jamais pensé à devenir metteur en scène. Alain René à l'émission française Radioscopie en 1978. Pour nous parler du formidable parcours d'Alain René, je reçois la chroniqueuse culturelle Claudia Hébert, qui avait d'ailleurs travaillé à l'époque où elle était à TFO, à une rétrospective des films de René. Claudia Hébert, bonjour. Bonjour, Jacques. On a souvent parlé d'Alain René, Claudia, comme du cinéaste de la mémoire. Lui-même, d'ailleurs, aimait se décrire comme cinéaste de la conscience. Commençons par là. Comment définir le cinéma d'Alain René? Alain René faisait un cinéma qui était éclectique. J'ai envie de dire qu'il n'y a rien qui ressemblait moins à un film d'Alain René ou presque un autre film de René. Il y a des cinéastes qui sont reconnaissables à leur style, mais René, c'était le contraire. Il n'a pas cultivé une griffe. Il a toujours voulu explorer des nouveaux territoires et c'est un joueur, c'est un grand gamin. À une époque, il se disait bricoleur. Il ne veut pas se répéter, il veut se renouveler. En une vingtaine de longs métrages, il est allé là où on ne l'attendait pas. Des chefs-d'œuvre, des films brillants, une réputation au début peut-être d'être un cinéaste cérébral, peut-être difficile, exigeant, mais en vérité, son cinéma, il est dans la culture populaire, il va faire de la comédie, de l'opérette, du mélodrame. C'est une collection d'objets cinématographiques extrêmement ludiques et souvent inclassables. Oui, il y a la mémoire, le souvenir, la conscience qui sont là au début. Plus tard, il y aura le théâtre, il y aura les mêmes acteurs qui vont créer des constantes. Mais c'est un cinéma d'audace. On se rappelle que juste avant son décès, un dernier film, Aimer, boire et chanter, est présenté au Festival de Berlin et il y reçoit le prix de l'innovation. Il a 91 ans, il n'a que quelques semaines à vivre et encore là, il a fait quelque chose de nouveau. Même une route où passent des voitures, des paysans, des couples, même un village pour vacances, avec une foire et un clocher, peuvent conduire tout simplement à un camp de concentration. Mais Nuit et brouillard, évidemment, c'est un cas tellement particulier parce que d'abord, vous devinez bien qu'à la première proposition du producteur, là, Anatole Daumand, j'ai dit non parce que je trouvais que c'était, enfin, que si on n'avait pas été dans les camps, on n'avait pas le droit d'en parler, quoi. Mais il a beaucoup insisté pendant plusieurs semaines. Et puis, bon, à partir du moment où j'ai pu mettre comme condition que Jean Cayrol, l'écrivain, avait vécu les camps, eh bien, ce serait lui qui ferait le commentaire. Et comme Jean Cayrol m'a dit qu'il voulait aussi que je fasse le film, bon, ben, que je me suis incliné un peu devant la volonté de Cayrol, qui représentait donc un peu pour moi les déportés en ce moment. Alors, bon. Cela dit, vous devinez bien que c'est un film qui était très pénible à faire. Bon, enfin, que, quand je l'ai fini, bon, ben, j'étais dans un état d'insatisfaction profond. Bon, alors, mais c'est un film qui me dépasse complètement, si vous voulez. Je veux dire, c'est ça. Si, je ne peux pas le revendiquer personnellement à aucun point de vue. Interné de Pithiviers, raflé du Veldive, résistant à parquets à Compiègne, la foule dépris sur le fait, dépris par erreur, dépris au hasard, se met en marche vers les camps. Alain René à l'émission Parole de star en 1994, quand il présente son film dont on vient d'entendre un extrait, Nuit et brouillard, en 1955, c'est bien sûr à cette nécessaire mais douloureuse mémoire de l'Holocauste que s'attaque René. Ce film-là va profondément marquer les esprits, sera présenté dans les écoles, entre autres, mais c'est aussi l'un de ses derniers courts-métrages, ce film. Nuit et brouillard, c'est un film important pour Alain René. Claudia Hébert, pourquoi? René, oui, a commencé par faire du court-métrage documentaire. On l'entendait plus tôt. Bon, il pensait faire du théâtre. Finalement, il va devenir monteur. Et ses premiers films, c'est beaucoup des films de monteur. On a des films sur l'art, là, Van Gogh qui a gagné un Oscar, Guernica, Paul Gauguin, Les statues meurent aussi. Et finalement, Nuit et brouillard. Et ces films se font remarquer. On lui offre de faire un film sur les camps de concentration. C'est vraiment une commande qu'on lui fait et qui va être difficile. Il dit qu'il va faire des cauchemars pendant le film parce que on lui donne tellement un accès à des photos, à des pellicules qui ont survécu au camp. C'est très lourd à porter. Et il va superposer aux images en noir et blanc de l'époque des images en couleur qu'il va aller lui-même tourner dans un ancien camp polonais. Il faut se dire qu'on est 10 ans après la libération. Oui, des images des camps, on en a vu. Mais c'est vraiment un premier grand film français à aborder ce sujet-là pour vraiment imprégner l'imaginaire collectif de l'horreur des camps. Encore aujourd'hui, Nuit et brouillard, c'est une référence. Et c'est aussi que le film, il est fait sans complaisance, sans sortir les violons. C'est très sobre, c'est très dense. On est à un moment où, politiquement aussi, on est dans l'idée de la réconciliation. Alors, il va y avoir une tentative un peu de censure de certaines parties. Il va y avoir de la difficulté parfois à être présenté. Mais c'est un film qui va vraiment laisser une empreinte très, très forte dans l'esprit des spectateurs. C'est un devoir de mémoire qui est absolument essentiel. Et c'est vraiment son premier film marquant dans cette longue et très marquante filmographie qui va suivre. Lorsque René est venu me trouver, j'ai fourni un travail pour le cinéma presque involontairement. Il m'a demandé une histoire pour le cinéma. Il m'a demandé d'écrire cette histoire comme un roman. Donc c'est tout à fait dans l'innocence que je suis venue, sans la moindre idée sur le sens du cinéma. Jamais je n'avais pensé que je pourrais faire un film. On m'a demandé exactement de faire une histoire à partir de la catastrophe d'Hiroshima. Je m'en suis expliqué d'ailleurs dans la préface du scénario. J'ai essayé pendant 15 jours de trouver quelque chose. Je n'ai rien trouvé. Et si vous voulez, le script d'Hiroshima, enfin le scénario d'Hiroshima, c'est mon échec. Tu n'as rien vu à Hiroshima, qui est le début du film. C'est mon échec devant Hiroshima. C'est-à-dire de trouver une histoire qui soit à la hauteur de cette catastrophe. Je te rencontre. Je me souviens de toi. Qui es-tu ? Tu me tues. Tu me fais du bien. Comment me serais-je douté que cette ville était faite à la taille de l'amour ? Comment me serais-je douté que tu étais fait à la taille de mon corps même ? Tu me plais. Marguerite Duras, dans le documentaire de Radio France, L'histoire du cinéma français présenté en 1981. C'est donc avec Hiroshima, mon amour, dont on vient d'entendre un extrait qu'il réalise en 1959, qu'Alain René passe au long métrage, qu'il écrit probablement aussi les premières lettres de son nom dans le grand livre de l'histoire du cinéma. Qu'est-ce qui fait d'Hiroshima, mon amour, un si grand film, Claudia Hébert? On avait commandé à René un documentaire sur Hiroshima, refaire un peu ce qu'il avait fait pour Nuit et brouillard, mais sur la bombe atomique. Mais là, il fait de la recherche, il se rend compte qu'il y a déjà plusieurs films japonais sur le sujet et il se dit, ben faisons une fiction à la place. On va appeler justement Marguerite Duras, elle va accepter, ils font le film. Et si c'est un grand film, ben c'est d'une part à cause de ce scénario de Duras, cette rencontre amoureuse entre une Française et un Japonais, ce prétexte pour explorer les traumas du passé. Et on se dit, bon, on va parler d'Hiroshima, mais on va parler aussi de l'occupation en France. Et un peu comme on entendait dans l'extrait, c'est cette question de l'impossibilité de vraiment témoigner de l'horreur. Et c'est une barrière qu'il avait sentie aussi en faisant Nuit et brouillard, Alain René. Alors, si on ne peut pas vraiment en parler, ben on va y aller de façon détournée. On va y aller de biais. On va y aller de l'intime pour aller à l'universel, pour aller au poétique. Et c'est un film qui est tellement beau visuellement, qui est très original narrativement. La façon dont on fracture le temps, en quelque sorte, plutôt que de faire des allers-retours dans le passé. Je pense à Éric Rohmer qui avait dit, après avoir vu le film, c'est peut-être le film le plus important depuis la guerre et peut-être le premier film moderne du cinéma parlant. Bon, il dit à ce moment-là, seul le temps nous le dira. J'ai un peu envie d'être d'accord avec lui maintenant, avec le recul, mais j'ai envie de dire, c'est aussi, si on parle de modernité, il faut parler du second film d'Alain René, il faut parler de l'année dernière à Marianne Bad, qui est là aussi un grand film moderne, qui lui aussi est travaillé avec un romancier, avec Alain Robbe-Grillet, qui est une figure importante du nouveau roman. Et Marianne Bad touche un peu aussi à Hiroshima dans les questions de mémoire. C'est vraiment le labyrinthe des souvenirs, l'année dernière à Marianne Bad. Et c'est encore un homme et une femme qui n'ont encore pas de nom dans ce film-ci. C'est l'homme dit « on s'est rencontrés l'année dernière » ou peut-être à Marianne Bad ou peut-être ailleurs. Et elle ne cesse de déclarer qu'elle ne se rappelle pas. Et dans ce film-là aussi, il y a des choses extraordinaires sur le montage, sur la narration, sur la conscience. Et ça va revenir souvent sur les questions politiques refoulées. Dans Muriel, c'est la guerre d'Algérie. Dans La guerre est finie, le franquisme. Dans Je t'aime, je t'aime, c'est une histoire d'amour. Alors, Hiroshima, mon amour, ça va installer la thématique du souvenir, de la mémoire, de la conscience. Et puis, avec ces deux longs-métrages, Hiroshima comme Marianne Bad, c'est tout de suite l'amour. Et ça va le suivre tout du long de sa carrière, mais l'amour des mots, l'amour des écrivains, l'amour de la littérature. Il n'écrit pas ses scénarios, mais il travaille constamment avec des auteurs. Oui, il préfère ne pas écrire. En fait, aussi, c'est intéressant de se dire qu'il ne se considère pas comme un auteur de film. Ce n'est pas un film de Alain René. Lui, il est le réalisateur. Quand il a une idée, il va la confier à un scénariste ou, au début, on le voit, à un romancier. Plus tard, il va s'intéresser au théâtre. Il va une seule fois adapter un roman. Il avait dit jamais « je n'adapterai de roman ». Une fois, il le fera avec un livre de Christian Gailly. Ça va donner « Les herbes folles ». Alors, non, l'idée, le désir vient souvent de lui, mais ce n'est pas lui qui va écrire. Lui, il est un metteur en scène. Alors, revenons à Hiroshima, mon amour. À l'époque, surtout, ce film-là sort en 1959. La même année, François Truffaut présente Les 400 coups à Cannes. Où se situe René, justement? Parce qu'il y a comme un flou par rapport à René et son appartenance ou pas, directe ou indirecte, à la nouvelle vague française. Oui, bien, René, il va tout d'abord être monteur pour Agnès Varda sur son premier film, La Pointe courte. Et oui, en 59, coup de tonnerre à Cannes, Les 400 coups, Hiroshima, mon amour, présenté la même année. C'est un moment charnière pour la nouvelle vague, même s'il y a des films antérieurs qui font partie du mouvement. S'il fait partie de la nouvelle vague, c'est Rive Gauche, avec Chris Marker, avec Agnès Varda. Mais il va rapidement s'éloigner de ceux de la rive droite. D'une part, il est plus vieux que Truffaut, que Godard. D'autre part, il n'a pas fait ses classes au cahier du cinéma comme Rivette, comme Romère, Truffaut, Godard, justement. Et son cinéma s'éloigne rapidement. On n'a qu'à opposer un À bout de souffle de Godard aux gestes très délibérés et léchés de l'année dernière à Marianne Bad, on voit comment les trajectoires s'éloignent rapidement. Et puis, il y a ce désir de la nouvelle vague de tourner dans les rues, dans les appartements, du réalisme. Alors que René va préférer le surréalisme, il va aussi préférer les tournages en studio. Ça, c'est vraiment un goût qui va s'affiner au cours du temps. Et puis, on revient à cette idée de l'auteur des films. Lui, il est réalisateur. Donc, en marge, dans la foulée de la nouvelle vague, mais pas directement dans l'œil du cyclone. Oui, c'est un contemporain. Il les a accompagnés au début, mais ils se sont séparés. T'es pas contente? Ils vont publier ta thèse, c'est quand même quelque chose. Tout le monde s'en fout, Odile, des Chevaliers paysans de l'an 1000. L'acte de Paladru, je t'en parle même pas. J'ai travaillé 7 ans sur un truc qui doit intéresser 15 personnes maximum. Ah bah ça me déçoit. Je suis désolée, mais ça me déçoit. J'aurais beaucoup de peine si tu t'arrêtais, en tout cas. Et papa aussi. Excuse-moi, mais franchement, si je peux te dire les choses, je trouve que tu t'écoutes beaucoup en ce moment. Faut pas te laisser aller comme ça, enfin. Tu sais, hein, ça dépend énormément de toi. Si tu décides de réagir, si tu me dis, bon, maintenant ça va, je suis en pleine santé, je suis heureux, je regarde toutes les choses de façon positive. Si tu te dis ça, mais tu verras que ça ira tout de suite beaucoup mieux. Tu comprends? Faut pas se laisser abattre, hein. Ça m'étonne de toi, d'ailleurs. T'es tellement actif, t'es tellement volontaire, toi, d'habitude. Tu sais, faut te dire qu'il y a des gens qui ont mille fois plus de raisons d'être malheureux. Eh bah bravo, bravo! Ils sont très forts, très courageux, moi non. Je suis malheureuse sans aucune raison et ça me rend encore plus malheureuse. Résiste! Mesdames. Bonsoir, Marc. Bonsoir, Odile. C'est Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri qui écrivent le scénario du film, de cet extraordinaire film « On connaît la chanson ». Que nous dit ce film-là, réalisé en 1997 sur Alain René, Claudia Hébert? Bien, non seulement il n'écrit pas ses propres films, mais il va aussi rarement travailler plusieurs fois de suite avec un même scénariste. Il va souvent vouloir justement trouver des nouveaux territoire à conquérir. Pour On connaît la chanson, ben oui, Jaoui Bacri venait de travailler avec lui pour adapter le scénario d'une pièce de théâtre, pour adapter Smoking No Smoking. Et là, il leur dit, j'aimerais rendre hommage au travail du Britannique Dennis Potter, qui incluait souvent des chansons dans ses scénarios. Mmh. Et là, de cette commande-là, vient On connaît la chanson. Ils vont aussi jouer des rôles d'ailleurs. Et ce qui est génial, c'est que les chansons, elles ne sont pas chantées, elles sont en lip-sync. Alors, soudainement, c'est Aznavour, c'est Dalida, c'est Claude François qui prêtent leur voix au personnage. Et quand je dis cinéma pointu ou cinéma populaire, ouais, ce film-là va fonctionner avec le public, ça va gagner des Césars. Et ce film-là montre encore une fois ce côté joueur, oui, de René, cette idée d'expérimenter, de se dire qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui sortirait des sentiers battus, et puis à la fin, est-ce qu'on pourrait avoir des plans de méduses qui traversent l'écran? Je pense aussi à un film comme Mon oncle d'Amérique. Est-ce qu'on peut avoir des animaux, des rats de laboratoire? Est-ce que le personnage peut se transformer en souris à un moment donné? C'est toujours cette gaminerie, cette, oui, envie de jouer. Il va le dire lui-même, je suis un formaliste impénitent. Je cherche toujours qu'il y ait une forme, quelque chose à essayer et travailler sur un film identique, mmh, au précédent. Ça m'épuiserait d'avance et on le sent d'un film à l'autre et dans un film comme On connaît la chanson. Et la surprise et le génie de ce film-là, c'est que c'est pas un dialogue chanté, on est loin de la comédie musicale. C'est, mmh, une chanson qui est insérée, qui s'impose tout à coup dans la trame narrative. C'est vraiment extraordinaire. Si vous l'avez pas vu, il faut absolument le voir. Vous le disiez à l'instant, il travaille rarement plus d'une fois avec un même auteur, Alain René. En revanche, il s'entoure d'une famille. Une famille d'acteurs à qui il va rester d'ailleurs très, très fidèle. Parmi eux, bien sûr, sa compagne Sabine Azéma. Et c'est sur le film La vie est un roman en 1983 que naît, en quelque sorte, cette troupe ou cette famille d'Alain René. Mmh. Oui, il va être avec Sabine Azéma pendant 30 ans jusqu'à sa mort en 2014. Ils vont se marier en 1998, 10 films ensemble. Elle va être de tous les films de fiction à partir de leur rencontre. La vie est un roman, Mélo, L'amour à mort, il y a un quatuor. C'est là que ça commence. Pierre Arditi, André Dussolier, Sabine Azéma et Fanny Ardant. Mmh. Fanny Ardant va un peu quitter l'équipe, mais ça va continuer pour les trois autres. Bon, Smoking, No Smoking, c'est Azéma, Arditi qui joue tous les rôles du film. Les Herbes Folles, Azéma, Dussolier, les trois ensemble dont on connaît la chanson dans le cœur. Je veux souligner aussi en 97 l'arrivée de Lambert Wilson, un autre régulier. Il va être là pour On connaît la chanson, Pas sur la bouche, Cœur, vous n'avez encore rien vu. Alors, il y a des visiteurs dans le cinéma de René, des acteurs qui viennent faire un tour, un film, deux films. Oui. Mais dans le dernier 20-30 ans, on sait qu'on va reconnaître certains visages. Vous savez, à Paris, il y a la Comédie française, là, la troupe de théâtre. Bien, là, on disait un peu à la blague, c'est la Comédie René. C'est sa troupe à lui. Et s'il y a quelque chose d'éclectique dans son cinéma, bien, dans les dernières décennies, il y a quand même cet effet unificateur qui est cette troupe, ces acteurs. Oui. Parler de la Comédie française, tout est dans tout, finalement, parce que René, c'est beaucoup... C'est cinéma, mais c'est un cinéma qui s'inspire beaucoup du théâtre et ça commence vraiment ce cycle théâtral, probablement en 1986 avec Mello. Mm-hmm. Parlez-nous de ça, de son amour du théâtre, de la place que va justement occuper le théâtre dans son cinéma. Bien, il va aller chercher des pièces qu'on a presque oubliées. Mello, ça venait de 1929, c'est un mélodrame. Il va aller chercher aussi Pas sur la bouche, une opérette de 1925. Mais je dois dire que la rencontre théâtrale marquante pour lui, c'est celle avec le dramaturge anglais Alan Ashbourne. C'est Smoking, No Smoking, tout d'abord. Il va aussi y avoir Cœur, qui va remporter le Lion d'argent du meilleur réalisateur. Et il va avoir Aimer, boire et chanter, qui sera son dernier film. Mais même au tout début, quand le film L'année dernière à Marianne Bad commence, c'est dans un contexte théâtral. Alors, cet amour du théâtre qu'il avait quand il était jeune, ce désir, ces stages en théâtre qu'il a fait quand il est arrivé à Paris, ça va l'accompagner tout au long. Oui. De sa carrière et bien sûr de son parcours. Parlons en terminant, Claudia Hébert, de l'héritage qu'il nous laisse, que laisse Alain Resnais au cinéma français. Vous estimez, je le précise, que son film Testament, c'est son avant-dernier film. Vous n'avez encore rien vu. Pourquoi? Bien, déjà, je trouve ça assez merveilleux qu'un cinéaste qui, à ce moment-là, approche de ses 90 ans, qui ne sait pas si ça va être son dernier film, dit quand même à son public... Bien, j'ai encore des tours dans mon sac. Attention, vous n'avez encore rien vu. Et quand on parle du théâtre, ce film-là est un excellent exemple et c'est un film qui est carrément sous forme de convocation testamentaire. On a un metteur en scène qui vient de décéder, qui a demandé à ses acteurs fétiches, qui ont tous à un moment donné joué Eurydice de Jean Anouilh, de visionner une mise en scène de la pièce avec des jeunes acteurs, de juger du résultat. Et les acteurs, et que je précise, ils sont là sous leur vrai nom, ce sont les habitués, Azéma, Arditi, Lambert Wilson, ils vont regarder la pièce et s'éclipser parfois de leur siège pour retrouver le texte, le rôle qu'ils ont aimé. Alors, encore une fois, un petit clin d'œil au théâtre et en même temps, cette idée de jeter un dernier regard par-dessus son épaule comme Orphée vers Eurydice, un dernier regard vers ses acteurs, vers les cinéphiles, vers la troupe. C'est aussi une façon de dire, bien, quand je serai parti, je serai encore pas très loin, je serai encore en vous, mes acteurs, dans mes films. Et c'est pas fini tant que c'est pas fini. Mm-hmm. Alors oui, il y aura une dernière gaminerie pour la route avec Aimer, boire et chanter. On va perdre le réalisateur en 2014, juste après la première au Festival de Berlin et même juste un tout petit peu avant la sortie en salle. Mais oui, vous n'avez encore rien vu, c'était un bel au revoir, mais la marque d'Alain Resnais dans le cinéma français est immense, est énorme et c'est une vingtaine de films qui ont essayé des choses fantastiques, qui ont ouvert la voie au cinéma comme on le connaît aujourd'hui, selon moi. Oui. Claudia Hébert, en tout cas, merci de nous en avoir si bien parlé. Je rappelle que vous êtes réalisatrice, chroniqueuse culturelle à notre antenne. Merci beaucoup, Claudia. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.